Colbert et Louvois. J.B. Colbert, ministre et secrétaire d'État, contrôleur général des finances sous Louis XIV, né en 1619, mourut en 1683. On sait en quels termes Mazarin mourant recommandait au roi son futur successeur « Je dois beaucoup à votre majesté, mais je crois m'acquitter en lui donnant Colbert ». On sait de même avec quels éloges les contemporains, prosateurs et poètes, parlent de ce célèbre ministre. Son nom revient plus d'une fois dans les satires de Boileau, mais non pas comme celui de Cotin, Quinault, Bonnecorse, etc., pour servir de jouet au poète railleur, tout au contraire. Et trompant de Colbert la prudence importune, va, par tes cruautés, mériter la fortune, dit Despréaux dans la huitième satire. Racine, en dédiant à Monseigneur Colbert sa tragédie de Bérénice, ne lui ménage pas les compliments. Ce qui fait son plus grand mérite de la tragédie auprès de vous, c'est Monseigneur que vous avez été témoin du bonheur qu'elle a eu de ne pas déplaire à Sa Majesté. L'on sait que les moindres choses vous deviennent considérables pour peu qu'elles puissent servir à sa gloire et à son plaisir. Et c'est ce qui fait qu'au milieu de tant d'importantes occupations, où le zèle de votre prince et le bien public vous tiennent continuellement attachés, vous ne dédaignez pas quelquefois de descendre jusqu'à nous pour nous demander compte de notre loisir. J'aurais ici une belle occasion de m'étendre sur vos louanges si vous me permettiez de vous louer. Et que ne dirais-je point de tant de rares qualités qui vous ont attiré l'admiration de toute la France, de cette pénétration à laquelle rien n'échappe, de cet esprit vaste qui embrasse, qui exécute tout à la fois de grandes choses, de cette âme que rien n'étonne, que rien ne fatigue. Mais, Monseigneur, il faut être plus retenu à vous parler de vous-même, et je craindrais de m'exposer, par un éloge importun, à vous faire repentir de l'attention favorable dont vous m'avez honoré. Malgré quelques dissonances, le concert de louanges en l'honneur du marquis de Louvois, ministre de la guerre et de la marine sous Louis XIV, n'est pas moins bruyant. L'auteur des caractères, lui-même, si rude à tant d'autres, faisant un sujet de louange pour Louvois, de ce qui méritait le blâme peut-être, ne va-t-il pas jusqu'à dire « De même une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence que les autres hommes cherchent vainement à acquérir, qui a fortifié la trempe de son esprit par une grande expérience, que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l'importance des affaires occupe seulement et n'accable point, qui, par l'étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les événements, qui, bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est peut-être de ces âmes sublimes, nées pour régir les autres et sur qui ses premières règles ont été faites, qui est détourné par les grandes choses qu'il fait des belles ou des agréables qu'il pourrait lire, et qui, au contraire, ne perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions. Un homme ainsi fait peut dire aisément et sans se commettre qu'il ne connaît aucun livre et qu'il ne lit jamais. Comment s'étonner, après ces citations, que l'éloge de Louvois, et plus encore celui de Colbert, se trouve comme stéréotypé dans toutes les histoires, et qu'on ne tarisse pas sur leur compte même certains écrivains qui se proclament libéraux et se piquent d'indépendance vis-à-vis des puissances, qualifiant d'esprit courtisanesque et rétrograde la réserve et les témoignages de respect pour l'autorité dont ne se croient jamais affranchis les historiens qui savent ne rien sacrifier des principes tout en n'oubliant point dans leur impartialité ce qu'ils doivent à la vérité. Nous en trouvons un remarquable exemple dans un auteur que nous avons eu plus d'une fois l'occasion de citer et d'où nous reproduisons d'autant plus volontiers les appréciations sur Colbert et Louvois qu'elles diffèrent beaucoup des jugements du plus grand nombre, de la presque totalité, à l'égard de Colbert surtout, des écrivains même monarchiques et conservateurs auxquels le parti pris de la tradition semble avoir fait illusion et dérobé la claire vue des événements. Voici comment Saint-Victor s'exprime sur Colbert. Il entendait les finances, le commerce, les manufactures et toutes les branches de l'administration intérieure, aussi bien que Louvois entendait la guerre. Et pour les administrateurs exclusifs de cette science industrielle qu'il rendit florissante en France plus qu'elle ne l'avait été jusqu'à lui, il n'y eut jamais de plus grand ministre que Colbert. Il faudrait sans doute le louer sans réserve si, tout en administrant avec cette supériorité qu'on ne peut lui contester, son esprit se fût élevé au-dessus du matériel de son administration, et si, non moins blâmable en ce point que son rival, il n'eût pas, comme lui, cherché à tout abattre sous le despotisme étroit dans lequel leur basse flatterie avait renfermé leur maître, et dont il partageait avec lui et à l'ombre de son nom les funestes prérogatives. Tout ce qui osait résister à ce despotisme sans règles et sans bornes devait être brisé. Ce n'était point assez que Louis XIV eût la plénitude du pouvoir temporel à un degré où aucun roi de France ne l'avait possédé avant lui. Il arriva, ainsi que nous l'avons vu, qu'un pape eut l'audace de ne pas se plier à toutes ses volontés. Il convint d'apprendre au pouvoir spirituel à quelle distance il devait se tenir du grand roi, et comme nous l'apprend Bossuet lui-même, les quatre articles sortirent à cet effet des bureaux du surintendant. La conduite de Louis XIV, par exemple, conseillée ou mieux influencée, entraînée du côté où il penchait par Colbert dans l'affaire du duc de Créqui à Rome, comment la comprendre et surtout, dit très bien Saint-Victor, comment l'excuser? En fut-il jamais de plus dur, de plus injuste, de plus cruel même et d'un plus dangereux exemple? Quel triomphe pour le roi de France de se montrer plus puissant que le pape comme prince temporel et sous ce rapport de ne mettre aucune différence entre lui et le dé d'Alger ou la République de Hollande. De refuser toutes les satisfactions convenables à sa dignité que celui-ci s'empressait de lui offrir à l'occasion d'un malheureux événement que les hauteurs de son ambassadeur avaient provoqué et dont il lui avait plu de faire une insulte. De violer en lui tous les droits de la souveraineté en le citant devant une de ses cours de justice et en séquestrant une de ses provinces. De le contraindre, par un tel abus de la force, à s'humilier devant lui par une ambassade extraordinaire dont l'effet immanquable était d'affaiblir, au profit de son orgueil, la vénération que ces peuples devaient au père commun des fidèles et dont son devoir à lui-même était de leur donner le premier exemple. Il leur remporta ce déplorable triomphe. Louvois avait fait de Louis XIV le vainqueur et l'arbitre de l'Europe. Colbert jugea que ce n'était point assez et ne prétendit pas moins qu'à le soustraire entièrement à l'ascendant, de jour en jour moins sensible, que l'autorité spirituelle exerçait sur le souverain. Il n'y réussit point entièrement parce qu'il aurait fallu pour obtenir un tel succès que Louis XIV cessa d'être catholique. Mais le mal qu'il fit pour l'avoir tenté fut irréparable. Néanmoins, il ne faut pas dire qu'importe, à propos du repentir tardif de Colbert tourmenté sur son lit de mort. D'après ce qu'on rapporte de remords et d'anxiété qui prouvent qu'en agissant comme on l'a vu, dans l'intérêt de son ambition seule, il faisait violence à sa propre conscience. « Oh ! S'écriait-il avec une amère douleur, combien n'étais-je pas aveugle et insensé ? Hélas, si j'avais fait pour le roi du ciel la moindre partie de ce que j'ai fait pour un roi de la terre, si j'avais donné au souci de l'éternité un peu davantage de ce temps, prodigué si malheureusement à de vaines sollicitudes, hélas, je serais en ce moment plus tranquille. » Un autre et grand sujet d'inquiétude pour le mourant dut être le ressouvenir de certaines opérations financières au profit de l'État, sur lesquelles autrefois il avait pu se faire illusion, mais qu'il appréciait comme la probité sévère avait fait dès lors. À Colbert, comme on l'a souvent répété, Louis XIV dut ce rétablissement des finances qui le rendit en peu d'années maître si tranquille et si absolu de son royaume. Mais il n'est pas inutile d'observer, pour réduire à sa juste valeur ce qui, au premier coup d'œil, pourrait sembler un effort du génie, que cette restauration financière ne fut opérée que par un odieux abus de ce pouvoir qui déjà ne voulait plus reconnaître de bornes, et qu'une banqueroute fut le moyen expéditif que le contrôleur général imagina pour arriver au but qu'il voulait atteindre. Elle fut opérée tout à la fois et sur les engagements de la cour connue sous le nom de billets d'épargne et sur les rentes de l'hôtel de ville, par des manœuvres qui ne peuvent étonner de la part d'un homme dont la conduite envers Fouquet n'offre qu'un tissu de bassesse, de fourberies et de cruauté, mais qui était assurément fort indigne de la probité du grand roi. Enfin, ce qui eût été difficile pour qui aurait voulu avant tout être juste, se fit très facilement par l'injustice et par la violence. Le jugement motivé de l'auteur du tableau historique et pittoresque de Paris sur Louvois, tome 4, première partie, ne nous semble pas moins digne d'attention. Louvois mourut pendant le cours de cette guerre, 1692, que son égoïsme cruel et sa basse jalousie avaient allumé, et sa mort prévint de quelques instants la disgrâce éclatante que lui préparait son maître désabusé. On ne peut nier que ce ministre ne possédât à un très haut degré, ainsi que nous l'avons déjà dit, la sagacité et l'activité nécessaires pour saisir l'ensemble et les détails de la vaste administration qui lui avait été confiée, et qu'il ne l'eût perfectionnée de manière à y produire ce qu'on n'aurait pas cru possible avant lui. Mais, sans parler des guerres injustes et impolitiques dans lesquelles il entraîna Louis XIV, guerres qui creusèrent pour la monarchie un abîme que rien n'a pu combler, et même en ne le considérant que comme ministre de la guerre, ce qui est son beau côté, il est important de remarquer que sous ce rapport, il fut encore pernicieux à la France en voulant tout soumettre à ce mécanisme administratif qu'il avait si singulièrement perfectionné. L'ordre du tableau, dont il fut l'inventeur, et qui plut à un monarque absolu dont la politique était de tout niveler autour de lui, éteignit toute émulation, toute ardeur pour le service militaire et détruisit l'école des grands capitaines. Le système de tracer les plans de campagne dans le cabinet et de tenir ainsi les généraux à la lisière acheva ce que l'ordre du tableau avait commencé. Saint-Victor, Louvois aussi bien que Colbert, réussit à confisquer à son profit la meilleure et la plus solide part du pouvoir en persuadant au roi qu'il n'était que le simple exécuteur de ses volontés, quand lui, ministre, faisait faire au souverain tout ce qu'il voulait. Et voici comment d'après ce que Saint-Simon nous raconte. Son esprit naturellement petit, nous laissons à Saint-Simon la responsabilité de ce langage excessif à notre sens, se plut en toutes sortes de détails. Il, le roi, entra sans cesse dans les deniers sur les troupes, habillement, évolution, armement, exercice, discipline, en un mot, dans toutes sortes de bas détails. Il ne s'en occupait pas moins sur ses bâtiments, sa maison civile, ses extraordinaires de bouche. Il croyait toujours apprendre quelque chose à ceux qui en ce genre en savaient le plus, qui recevaient en novice les leçons qu'ils savaient par cœur depuis longtemps. Ces pertes de temps, qui paraissait au roi avoir tout le mérite d'une application continuelle, était le triomphe de ses ministres qui, avec un peu d'art et d'expérience à le tourner, faisaient venir comme de lui ce qu'ils voulaient eux-mêmes et qui conduisaient le grand monarque selon leur vue et trop souvent selon leurs intérêts, tandis qu'ils s'applaudissaient de le voir se noyer dans les détails. Saint-Victor, après d'autres considérations qu'il est inutile de reproduire, arrive à cette conclusion. Colbert et Louvois furent de grands ministres, si ce nom peut être donné à d'habiles administrateurs, à des hommes actifs, vigilants, rompus à tous les détails du service dont ils avaient acquis une longue expérience, dans les emplois subalternes, capables en même temps d'en saisir l'ensemble avec une grande perspicacité et d'y apporter de nouveaux perfectionnements. Mais si, pour mériter une si haute renommée, ce n'est point assez de se courber vers ses soins matériels, et qu'il faille comprendre que les sociétés se composent d'hommes et non de choses, que leur véritable prospérité est dans l'ordre que l'on sait établir au milieu des intelligences. Enfin, si gouverner est autre chose qu'administrer, nous ne craignons pas de le dire, jamais ministres ne se montrèrent plus étrangers que ces deux personnages si étrangement célèbres à la science du gouvernement, et les jugeant par des faits irrécusables, il nous sera facile de prouver que tous les deux furent funestes à la France et lui firent un mal qui n'a point été réparé. Encore que ce langage, qui contredit bien des opinions reçues, soit de nature à étonner, il mérite qu'on le prenne en sérieuse considération, car l'écrivain ne se prononce pas à la légère, mais après mûre réflexion et examen consciencieux des faits. On sent que la vérité lui coûte à dire qu'il blâme à regret par la force de la conviction et certainement eût préféré, à l'exemple de tant d'autres, n'avoir qu'à applaudir. Amicus Plato sed amica veritas.